Bonsoir, bonsoir. Vous êtes sur Prog à part, l'émission du rock progressif. L'émission qui persiste et signe depuis 1986. Bonsoir, c'est Thierry Sportouche au micro, accompagné de son inséparable Olivier Davenas. Bonsoir Olivier. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Un petit clin d'œil, un petit hommage à un grand bonhomme, un grand musicien qui a été un des pères fondateurs du progressif. J'ai pas peur de le dire, George Harrison, un extrait de Sgt. Pepper's, album concept le premier en date en 1967, un album sur la solitude et donc un morceau qu'avait composé le grand guitariste Within Without You, George Harrison, qui nous a quittés donc à l'âge de 58 ans. Voilà, un grand bonhomme qui nous quitte. Nous passons tout de suite à la nouveauté. Alors, comme dans les grandes émissions, on va vous annoncer un petit peu ce qu'il y a au menu ce soir. Que de la bonne, comme dirait mon collègue. Yes, Camel, Renaissance, Steve Hackett, Ange, Salem Hill, H2O, 2112, For Your Pleasure. Non, non, c'est pas une appréciation, c'est le titre d'un groupe. P2, Henry Fool, Divine Insight, et si tout va bien, Igra, Staccellini, Perelli. Voilà le programme. On se promènera aux États-Unis, en Angleterre. On partira également en Italie, en Argentine, en Allemagne, en Espagne et en Yougoslavie. Donc encore un voyage dans les terres progressives. Également un petit clin d'œil au passé. Donc un voyage dans le temps et dans l'espace. Comme d'habitude, je dirais, on démarre tout de suite avec le Yes Magnification, Magnification si vous préférez. Un album très curieux, puisque dans cet album, on retrouve les quatre compères, sauf le claviériste. Donc un album sans clavier, avec un orchestre. Un album qui, pourtant, je suis un Yes maniaque, m'a laissé assez froid, si ce n'est songeur. N'est-ce pas, Olivier ? Oui, effectivement, avant de causer de Yes plus en avant, juste un tout petit retour en arrière sur une autre triste nouvelle dans le monde du progressive rock ces derniers jours. Après George Harrison, c'est Michael Caroli, le guitariste de Cannes, qui est décédé donc en début de semaine dernière. Je tenais à le préciser aussi. Voilà, il y a un musicien de Super Sister aussi qui nous a quittés. Je n'ai pas son nom noté sur mes tablettes, mais qui nous a quittés donc il y a peu de temps. Flûtiste, je crois, ou guitariste. Ah oui, effectivement. Et on va revenir à Yes, donc, après cette longue liste de deuil. Hélas. Oui, alors, je suis relativement de ton avis concernant Magnification, sans clavier, donc, comme tu viens de le préciser, puisque la défection d'Igor Korochev a laissé un poste vacant. De fait, donc, c'est l'orchestre dirigé par Larry Groupé qui se fond dans cette nouvelle Yes attitude. Magnification est certes plus homogène que The Ladder, son prédécesseur, mais il nous présente un Yes un peu vidé de sa substance. Pas tout à fait pop, pas tout à fait prog, pas suffisamment pêcheux en tout cas, à cause de la binarité franchement agaçante d'Alan White, et puis un album un brin trop sucré, car les interventions orchestrales de Larry Groupé sont plus joliment décoratives que franchement ascensionnelles. Oui. Il y a quand même quelques pièces qui se détachent du lot, hein, de cette apathie générale, ne soyons pas trop traîtres, comme en témoigne le titre We Agree, qu'on va écouter ensemble, dont les accents conquérants n'ont rien à envier, hein, très franchement, aux grandes heures de Kiss to Ascension. On va donc écouter Yes, Yes ou comment assumer avec délectation le bonheur d'être en vie, c'est sur sol. Thank you. Baroque, je sais pas, je trouve que l'orchestre n'est pas tellement intégré là-dedans. Hein. Il vient plus se rajouter que vraiment apporter une richesse symphonique à ce nouveau Yes. Hein. Absolument, c'est une déception. On va enchaîner avec un autre dinosaure du progressive rock, Kamel. Le nouveau live de Kamel retraçant le Rajas Tour de l'année passée est enfin sorti. Il a été enregistré à Paris. Et c'est un album simple seulement, contrairement aux deux albums live précédents qui retraçaient les tournées Dustin Dreams et Harbor of Tears. Une sorte de digest composite et un peu frustrant, mais qui permet toutefois d'apprécier l'immense talent du claviériste Guy Leblanc, le Québécois Guy Leblanc, Leblanc et non pas Legland. Lapsus, qui officie dans... Dans Nathan Maul. Voilà, Nathan Maul. L'excellent Nathan Maul. Guy Leblanc, donc. Série hérétique. Ouais. Et puis un album live qui nous permet de revivre quelques-uns des plus beaux moments de 28 ans de chameau maintenant, comme ce Chord Change, issu de l'antique Mood Madness, morceau aussi mésestimé et stimulant, et dont la nouvelle interprétation est absolument jubilatoire. On écoute ça ensemble, Kamel. Voilà, on rappelle que vous êtes sur Prog à part, l'émission du rock progressif. C'est Sol 100.7 et qu'il est 21h23. Camel sur le 100.7, extrait de leur nouvel album live de Paris Collection. Et on va enchaîner avec une autre figure légendaire du progressive rock des 70s, à savoir Renaissance. Un Renaissance reformé autour des vétérans Annie Aslam, Michael Dunford et Terence Sullivan, avec en plus Mickey Simons, qu'on a déjà entendu chez Camel justement, chez Fish et chez 12 Alfonso. L'album, le nouvel album de Renaissance s'appelle Tuscany et c'est une grosse déception. Une déception de taille même, principalement parce qu'il manque les éléments essentiels du son Renaissance, c'est-à-dire la basse ronde et bruyante de John Kemp, le piano soit délicat, soit carrément percussif du camarade John Tooth qui n'apparaît ici qu'en guest star sur deux morceaux. L'écriture en elle-même manque singulièrement d'ambition, même si la magie réapparaît au détour de quelques mélodies. C'est l'une de ces réminiscences de la grande époque que nous vous proposons ce soir avec le titre Eva's Pound. Eva's Pound, donc, c'est Renaissance sur Sol FM dans Prog à part. Voilà, moi j'attendais effectivement quelque chose d'intéressant avec un titre aussi intelligent, puisque Toscane, la Toscane et Florence tout particulièrement sont le berceau de la Renaissance, et on s'attendait effectivement à une Renaissance de la part de ce groupe légendaire, et vous allez le constater, c'est fort décevant. On vous laisse juste tout de suite sur le 100.7. Great.